Le délégué coréen a dénoncé le 15 courant, lors de la 34e session du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, la situation pitoyable des droits de l'homme aux États-Unis, en Occident et en Corée du Sud. En voici le résumé. Les États-Unis sont la première toundra des droits de l'homme dans le monde. C'est le roi et la source de la violation des droits de l'homme. La communauté internationale et le Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme ne doivent plus tolérer une telle violation, mais exercer le plus tôt possible la pression collective contre ce pays. L'Union européenne aussi doit abandonner la mauvaise habitude d'accuser les autres pour s'occuper de ses affaires intérieures en la matière. Quant au Japon, il refuse même de reconnaître ses crimes anti-humains ultra-géants commis dans le passé, au lieu d'en faire les excuses et indemnisations. C'est l'état criminel typique dans la violation des droits de l'homme. La Corée du Sud est la première zone taboue des droits de l'homme. En avril de l'année dernière, les agents du centre de renseignement sud-coréen ont kidnappé en plein jour à la province de Zhejiang, Chine, une dizaine de nos citoyennes et les autorités refusent jusqu'à présent d'annoncer la nouvelle de leur vie. C'est un enlèvement collectif typique du 21e siècle, violation des droits de l'homme sans précédent dans l'histoire. Notre République rejettera vaillamment à l'avenir aussi les scélérates menées d'isolement et de suppression des forces hostiles et développera davantage son régime socialiste axé sur les masses populaires.